Puisque ta pensée allait en haut, tu découvres un passage. Au fond, il y a un engrenage. Donc, après, tu veux aller à la salle de la super bombe ou de la super épée?